Par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne, de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Chapitre 9. En route, le ciel est bleu, le soleil brille, et nous sentons dans les pieds des envies de marcher sur l'herbe. De Crozon à Landévennec, la campagne est découverte, sans arbres ni maisons. Une mousse rousse comme du velours râpé s'étend à perte de vue sur un sol plat. Parfois des champs de blé mûr s'élèvent au milieu de petits ajoncs rabougris. Les ajoncs ne sont plus en fleurs, les voilà redevenus comme avant le printemps. Des ornières de charrettes profondes et bordées sur leurs bords d'un bourrelet de boue sèche, se multipliant irrégulièrement les unes près des autres, apparaissent devant nous, se continuent longtemps, font des coudes et se perdent à l'œil. L'herbe pousse par grandes places entre ces sillons effondrés. Le vent siffle sur la lande, nous avançons, la brise joyeuse se roule dans l'air, elle sèche de ses bouffées la sueur qui perle sur nos joues, et quand nous faisons halte, un instant, nous entendons, malgré le battement de nos artères, son bruit qui coule sur la mousse. De place en place, pour nous dire la route, surgit un moulin tournant rapidement dans l'air ses grandes ailes blanches. Le bois de leurs membrures craque en gémissant. Elles descendent, rasent le sol et remontent. Debout sur la lucarne, tout ouverte, le meunier nous regarde passer. Nous continuons, nous allons, en longeant une haie d'ormeaux qui doit cacher un village, dans une cour plantée, nous avons entrevu un homme monté dans un arbre. Au pied se tenait une femme qui recevait dans son tablier bleu les prunes qu'il lui jetait d'en haut. Je me souviens d'une masse de cheveux noirs tombant à flots sur ses épaules, de deux bras levés en l'air, d'un mouvement de cou renversé et d'un rire sonore qui m'est arrivé à travers le branchage de la haie. Le sentier que l'on suit devient plus étroit. Tout à coup, la lande disparaît et l'on est sur la crête d'un promontoire qui domine la mer. Se répandant du côté de Brest, elle semble ne pas finir, tandis que de l'autre, elle avance ses sinuosités dans la terre qu'elle découpe, entre des coteaux escarpés, couverts de bois taillis. Chaque golfe est resserré entre deux montagnes. Chaque montagne a deux golfes à ses flancs, et rien n'est beau comme ces grandes pentes vertes dressées presque d'aplomb sur l'étendue bleue de la mer. Les collines se bombent à leur fête, épatent leur base, se creusent à l'horizon dans un évasement élargi qui regagne les plateaux et avec la courbe gracieuse d'un plein cintre mauresque, se relient l'une à l'autre, continuant ainsi, en le répétant sur chacune, la couleur de leur verdure et le mouvement de leur terrain. À leurs pieds, les flots poussés par le vent du large pressaient leurs plis. Le soleil frappant dessus en faisait briller l'écume. Sous ses feux, les vagues miroitaient en étoiles d'argent, et tout le reste était une immense surface unie dont on ne se rassasiait pas de contempler l'azur. Sur les vallons, on voyait passer les rayons du soleil. Un d'eux, abandonné déjà par lui, estompait plus vaguement la masse de ses bois, et sur un autre, une barre d'ombre large et noire s'avançait. À mesure que nous descendions le sentier, et qu'ainsi nous nous rapprochions du niveau du rivage, les montagnes, en face desquelles nous étions tout à l'heure, semblaient devenir plus hautes, les golfes plus profonds, la mer s'agrandissait. Laissant nos regards courir à l'aventure, nous marchions sans prendre garde, et les cailloux chassés devant nous déroulaient vite et allaient se perdre dans les bouquets de broussailles qui couvraient les bords du chemin. Arrivés enfin à Landévennec, nous entrâmes pour déposer nos sacs quelque part dans un cabaret plus que simple où l'on s'asseyait sur les futailles en guise de banc. Après y avoir bu un coup de mauvaise eau-de-vie, dans un de ces grands gobelets du pays en faïence rayés de bandes roses et bleues, comme une culotte de bal masqué, nous allâmes tout de suite voir l'abbaye. Il n'en reste qu'un portail, composé de trois arcades, celle du milieu plus basse que les deux autres, et seule percée. De chaque côté de l'une d'elles, après un contrefort, une longue petite fenêtre cintrée va s'évasant du dehors comme les meurtrières d'une forteresse. En dedans de l'arcade du milieu, des colonnes courtes, supportant des moulures, ont des chapiteaux couverts d'entrelacs compliqués. Quand on a franchi ce pan de muraille, soit par la brèche qui ouvre sur la cour, soit par le portail, dont une échelle mise de travers vous barre l'entrée, apparaissent au fond les ruines du chœur et de l'abside, découpant leur dentelure blanchâtre sur la couleur bleue du ciel. Elles forment un rond-point, flanqué de chapelles latérales, rondes, garnies de contreforts extérieurs, avec des fenêtres à plein cintre, la plupart soutenues par des colonnes qui s'engagent à leur base dans des piliers carrés. Le terrain de la cour ondule, fait des bosses et des creux. C'est un mouvement heurté de plans inégaux que les ronces et les lierres verdissent de leur verdure inégale. Dans les chapelles latérales, par le trou des fenêtres, on voit au loin la mer à l'horizon d'une prairie que bosselent en dôme vert les têtes rondes des pommiers et qui s'encadre comme un tableau dans le plein cintre rongé des fenêtres romanes. Une statue d'abbé est appuyée contre le mur. Un gros anneau au médius de la main droite, un menton long, des pommettes saillantes, des yeux sortis, des cheveux légèrement crêpelés et une chape bordée de longues franges et un écusson qui est d'hermine à trois faces au chef chargé d'un lambel à trois pièces timbrées de la crosse abbatiale. Est-ce là, pourquoi non, pourquoi oui, Saint Guénolé, premier abbé du monastère, mort en 448, le même qui conseilla au roi Gralon de quitter la ville d'Is avant l'engloutissement du Seigneur, et qui, lorsque sur la grève le roi fuyait au galop avec la belle Dahue, sa fille, lui cria dans un nuage, comme les flots déjà battaient les jarrets de son cheval, de se débarrasser du démon qui l'emportait en croupe. Gralon la précipita dans les flots l'engloutirent, s'arrêtèrent, et Gralon continua sa course. Pour contempler cette figure plus à notre aise, nous nous étions assis sur une autre statue, couchée par terre. Celle-là représente un évêque. Il a la crosse, la chape bordée de roses et d'olives, la bague au pouce et sous le bras gauche le bâton pastoral passé. Une manche étroite, fermée d'un gros bouton et sortant elle-même d'une manche très ample, serre son bras, ses mains sont jointes. Deux anges soutiennent l'oreiller où il repose. Son chien couché à ses pieds surmonte un écusson qui est de 9 mâcles, posé par 3 aux lambelles de 3 pièces serties au chef et supporté à dextre par un lion lampassé, à sénestre par un lévrier. Pendant que nous nous occupions à lire ces niaiseries, un veau jaune, marqué d'une tache à la tête, se promenait près de nous. Il chancelait sur ses longues jambes faibles, et les mouches bourdonnaient autour de ses naseaux blancs, humides encore du lait de sa mère. Derrière le portail au bas de la montagne qu'il recouvre, les grands hêtres balançaient leurs cimes, le soleil frappait sur les vieux pans de murs, un air chaud passait. Toutes sortes de plants et d'arbrisseaux, des orties, des marguerites, des angéliques, des sureaux, des bruyères et du baume, faisaient un mélange de parfums sucrés. Il est tombé sur vous quelque chose de tendre, d'énervant, de navrant, d'écœurant. On se sentait pris de mollesse, tout plein de titillations obtuses et de convoitises fluides. Et comme nous étions là, couchés sur l'herbe, est survenue devant nous une grande jeune fille blonde et blanche, allant nu-pied parmi les ronces et seulement vêtue d'un jupon de drap rouge dont le cordon lui serrait autour de la taille sa chemise de grosse toile jaune. Elle avait à la main un roseau cassé par le haut et se tenait debout à nous regarder sans rien dire. Elle s'en est allée, puis est revenue. Elle riait quand on lui parlait et vous quittait aussitôt. Puis nous nous sommes levés, nous avons repris nos bâtons, nous sommes partis. En passant par-dessus le mur, nous en avons fait ébouler des pierres, et le ciment s'est égrené sous nos mains. Est-ce que nous détruirions aussi, nous autres? Et ce que n'ont pu abattre ni le temps, ni les hommes, ni le bon goût, ni l'industrie, voilà que l'achève sans le savoir le contemplateur naïf dans l'exercice même de sa curiosité admirative. En 20 minutes, une barque nous eut passé de l'autre côté de la rade et déposée dans une infractuosité du rocher sur de grandes lames de pierre couvertes de goémons où nous glissâmes quelque temps avant de pouvoir gagner la terre. Entrés dans la campagne, notre embarras commença. Il fallait coucher à Daoulas. Or, nous ne savions pas par où prendre. Les chemins tournaient le long des haies fournies, plus compactes que des murs. Nous montions, nous descendions, Cependant, les sentiers s'emplissaient d'ombre et la campagne s'assoupissait déjà dans ce beau silence des nuits d'été. Ne rencontrant personne enfin qui pût nous dire notre route, et deux ou trois paysans à qui nous nous étions adressés ne nous ayant répondu que par des cris inintelligibles, nous tirâmes notre carte, atteignîmes notre compas, et nous orientant d'après le coucher du soleil, nous résolûmes de piquer sur Daoulas à vol d'oiseau. Donc la vigueur nous revint aux membres, et nous nous lançâmes dans les champs, à travers les haies, par-dessus les fossés, abattant, renversant, bousculant, cassant tout, sans souci aucun des barrières restant ouvertes et des récoltes endommagées. En haut d'une pente, nous aperçûmes le village de l'hôpital, couché dans une prairie où passait une rivière. Un pont la traverse, sur ce pont, il y a un moulin qui tourne. Après la prairie, une colline remonte. Nous la gravissions gaillardement quand, sur le talus d'un haut bord, à la lueur d'un rayon du jour, entre les pieds d'une haie vive, nous avons vu une belle salamandre noire et jaune qui s'avançait de ses pattes dentelées et traînait sur la poussière sa longue queue mince, remuant aux ondulations de son corsage tacheté. C'était son heure. Elle sortait de sa caverne, qui est au fond de quelques gros cailloux enfouis sous la mousse, et s'en allait faire la chasse aux insectes dans le tronc pourri des vieux chênes. Un pavé à pointes aiguës sonna sous nos pas, une rue se dressa devant nous, nous étions à Daoulas. Il faisait encore assez clair pour distinguer à une des maisons une enseigne carrée pendue à sa barre de fer scellée dans la muraille. Sans enseigne d'ailleurs, nous aurions bien reconnu l'auberge, les maisons ayant ainsi que les hommes leur métier écrit sur la figure. Donc, nous y entrâmes fort affamés et demandant surtout qu'on ne nous fît pas languir. Pendant que nous étions assis sur la porte à attendre notre dîner, une petite fille en guenilles est entrée dans l'auberge avec une corbeille de fraises qu'elle portait sur la tête. Elle en est sortie bientôt, tenant à la place un gros pain qu'elle maintenait de ses deux mains. Elle s'enfuyait avec la vivacité d'un chat en poussant des cris aigus. Ses cheveux d'enfant hérissés, gris de poussière, se levait dans le vent autour de sa figure maigre et ses petits pieds nus, frappant d'aplomb la terre, disparaissaient en courant sous les lambeaux déchiquetés qui lui battaient les genoux. Après notre repas, qui outre l'inévitable omelette et le veau fatal, se composa en grande partie des fraises de la petite fille, nous montâmes dans nos appartements. L'escalier tournant à marche de bois vermoulu gémissait et craquait sous nos pas comme l'âme d'une femme sensible sous une désillusion nouvelle. En haut se trouvait une chambre, dont la porte, comme celle des granges, se fermait avec un crochet qu'on mettait du dehors. C'est là que nous gîtâmes. Le plâtre des murs, jadis peint en jaune, tombait en écailles. Les poutres du plafond ployaient sous le poids des tuiles de la toiture, et sur les carreaux de la fenêtre à guillotine, un enduit de crasse grisâtre adoucissait la lumière comme à travers des verres dépolis. Les lits, faits de quatre planches de noyer mal jointes, avaient de gros pieds ronds piqués de mite et tout fendus de sécheresse. Sur chacun d'eux était une paillasse et un matelas recouvert d'une couverture verte trouée par des morsures de souris et dont la frange était faite par les fils qui s'effilaient. Un morceau de miroir cassé dans son cadre déteint, un clou, un carnier suspendu, et près de là, une vieille cravate de soie dont on reconnaissait le pli des nœuds indiquait que ce lit était habité par quelqu'un, et sans doute qu'on y couchait tous les soirs. Sous l'un des oreillers de coton rouge, une chose hideuse se découvrait, à savoir un bonnet de même couleur que la couverture des lits, mais dont un glacis gras empêchait de reconnaître la trame, usé, élargi, avachi, huileux, froid, au toucher. J'ai la conviction que son maître y tient beaucoup, et qu'il le trouve plus chaud que tout autre. La vie d'un homme, la sueur d'une existence entière, est concrétée là, en cette couche de cérat ranci. Combien de nuits n'a-t-il pas fallu pour la former si épaisse? Que de cauchemars se sont agités là-dessous, que de rêves y sont passés, et de beaux peut-être, pourquoi pas? Une délicatesse exagérée nous empêcha de jeter cette ordure par la fenêtre et nous nous contentâmes de la repousser du pied sous le lit. Que serait-il advenu si nous eussions trouvé des savates qui devaient aller au bonnet? et ensuite quel beau rapport à écrire pour ceux qui auraient fait notre autopsie. « Oh, confort !» me disais-je en entrant timidement dans mes draps. « Oh, confort idéal du bonheur moderne ! Que tu es loin d'avoir pénétré jusqu'à Daoulas ! Comme on y méconnaît tes douceurs ! Voilà cependant des gens qui ignorent tes stores, tes tapis, tes portières, tes étagères, tes calorifères. Quel mépris du chic anglais ! Quelle incurie dans le service ! Quelle malpropreté de linge ! Quelle triste coutiot ! Quelle vilaine argenterie ! On ne trouverait pas dans tout le pays une seule pierre ponce. Ils ne se doutent pas même de la manière de faire le thé, et certainement qu'aucune de ces maisons-là n'a un water closet convenable. Nous dormîmes 14 heures de suite, et nous ronflions encore le lendemain, tout en visitant l'église. On raconte sur sa fondation une belle légende dans laquelle figurent un dragon avec son petit, deux saints et un seigneur furieux. Mais je suis fatigué des légendes et non moins des églises. Outre que je n'ai pas d'ailleurs la bosse archéologique fort développée, n'est-il pas ennuyeux, convenez-en, d'endurer au moins une fois par jour une nef, un portail, des bas-côtés, des chapiteaux, des arcades, des arcatures, des colonnes, des piliers, des pleins cintres et des ogives. À force d'être prodigué, les plus aimables choses deviennent odieuses. De ma vie, je n'oublierai la haine que les Pyrénées m'avaient procurée pour les cascades. J'en avais tant admiré que je les détestais à outrance. Lorsqu'il fallait se détourner pour en admirer une nouvelle, je me sentais des défaillances d'estomac. Leur bruit, leur mousse, leur mouvement me révoltaient. Je n'aspirais plus qu'après les plaines les plus sèches. J'aurais voulu vivre dans une marnière. Sous le porche, il y a 12 apôtres maigres, avec des mines assez naïves, et l'intérieur, quoique roman, mais plus blanchi, hélas, que la face de Pierrot, n'a rien que de gros œufs d'autruche suspendus en ex-voto à la statue de la Vierge, et qui rappellent ce que mettent les musulmans dans les mosquées. Si cela arrête une minute et fait sourire en notre esprit la poésie des rapprochements, vous en êtes puni bientôt par la vue d'un ossuaire du goût le plus horripilant qu'il soit possible de souffrir. Dans la crainte de nous perdre en chemin, et comme nous voulions arriver de bonne heure à Brest, nous nous enquîmes d'un guide. « Voilà un monsieur qui vous y mènera bien. Il y retourne lui-même, » nous dit notre hôtesse en nous désignant du doigt un bourgeois accoudé sur la table de la cuisine et qui trinquait avec un maréchal ferrant. Quand la bouteille fut vidée, le monsieur se leva, prit une prise dans une tabatière en écaille et se tournant vers nous, « Vous allez à Brest, messieurs ?»« Oui, moi aussi. Nous allons donc faire route ensemble. Nous pourrons causer. Ça nous distraira. » Il était petit et commençait à prendre du ventre. Ses cheveux noirs coupés ras par derrière frisaient sur la tempe gauche en une boucle qui s'avançait jusqu'au coin de la paupière et son chapeau, s'en allant sur l'oreille droite, découvrait un fond rétréci qui paraissait plus fuyant encore à cause de sa mâchoire allongée. Malgré ses joues pendantes, sa figure était maigre. Il clignait souvent des yeux et n'arrêtait pas de sourire. Une redingote de lastingue, trop courte de taille, couvrait son dos voûté et de ses manches trop petites sortaient deux grosses mains rouges, mains paresseuses, plus grasses que fortes, et dont la peau semblait humide. Sous un gilet de satin noir à châle, brodé de bouquets vert tendre, s'étalait une chemise de coton fort blanche, durement empesée, sur laquelle filaient les deux rubans blonds d'une chaîne de sûreté en cheveux qui retenait, dans un large gousset, sa belle montre d'or. Sur sa cravate affaissée, son cou engoncé tournait à l'aise, et son pantalon à grands ponts, éraillé aux boutonnières et bombé aux genoux, s'arrêtait à mi-jambe sur la tige d'une forte botte dont le cuir dur ne ployait pas. Il marchait vite, regardant à terre, baissant la tête et relevant l'épaule droite, sous laquelle il serrait un formidable gourdin fait d'un bois des îles garni dans toute sa longueur de piquants aigus. Et il causait, il parlait toujours, nous narrant les anecdotes de gens inconnus, nous rapportant des dialogues entiers, nous entretenant de ses opinions politiques, de ses goûts en cuisine, de sa santé, de son commerce, de ses relations, du prix des denrées, de sa femme, de son beau-père, de son petit chien, de son poêle qui fume. Il s'appelle Monsieur Jeunesse. Il est fixé à Brest. Il fait pour 60 000 francs d'affaires par an. Il a été successivement armurier, soldat, mouchard, inspecteur des filles, concierge du dispensaire, et il est maintenant établi, marié, propriétaire et agent d'affaires, c'est-à-dire marchand d'hommes, comme ils appellent ça en Bretagne. On présumerait qu'une telle existence a dû détremper ses vases sur celui qui l'a traversé, et qu'on va s'amuser à les y ramasser à la cuillère. Mais non, rien n'est plus plat, plus nul, plus incolore et plus insipide que M. Jeunesse. Il est bête comme un juge et aussi assommant que la biographie des hommes utiles. Sans se douter le moins du monde de la saleté de son industrie, il se croit fort honnête homme, car il passe tous les marchés qu'il fait par-devant notaire. Il est chaste dans ses propos et rangé dans sa conduite. Son seul goût est l'argent, sa seule prédilection le vin, et sans doute qu'il doit à l'habitude d'en boire cet air somnolent et débraillé dont la bonhomie superficielle atténue l'astuce de ses petits yeux gris et la dureté de ses lèvres minces. Il n'a pas de vice, il regarde le jeu comme dangereux, les femmes comme pernicieuses. On ne sait pas où ça vous mène, tandis qu'avec une vieille bouteille, on s'arrête où l'on veut. C'est un homme d'ordre, actif, malin, prudent et qui a peur des voleurs. Il paraît flatté de la considération qu'on lui montre. Il respecte beaucoup les lois et vénère les gens de justice, notaires, avoués, huissiers. Il porte un couteau poignard et jamais n'ôte son chapeau. Chemin faisant, il raccrochait les jeunes gens qu'il rencontrait et leur proposait de se vendre. Le remplaçant est d'ailleurs pour lui le type accompli du soldat parce qu'il ne craint rien, ne tient à rien, donne sa peau pour quelques centaines de francs, en un mot, parce que le remplaçant est comme un forçat, définition qui satisferait peu les défenseurs de l'honneur militaire. M. Jeunesse n'aime pas le spectacle. C'est une des causes, entre autres, pour lesquelles il est sorti de la police. Cela l'ennuyait fort d'être obligé tous les soirs d'aller au théâtre. Puis, on lui disait aussi, « Monsieur Jeunesse, vous avez tort. Un homme comme vous ne doit pas être attaché à la police. » Du reste, il ne fréquente pas davantage les églises. Il nous a déclaré n'y avoir pas mis les pieds 3 fois en sa vie. Il est voltairien, d'ailleurs, et ami du progrès, mais toutefois plus ami du gouvernement encore. Il souhaite la guerre. Ça ferait aller le commerce. À Plougastel, cependant, il s'arrêta comme nous pour que nous puissions voir le calvaire, petit monument de granit carré dont chaque face représente un tableau de la vie de Jésus-Christ et dont les 4 coins sont occupés par les évangélistes dans leurs attributions. Les personnages, un peu lourds, n'en sont pas moins mouvementés, vivants, amusants. Les hommes qui tiennent le Christ le lient de toute leur force à faire éclater leurs muscles. Celui qui lui grimace au nez en tirant la langue grimace si bien qu'il fait rire. L'âne qui porte notre Seigneur entrant à Jérusalem a une vraie mine d'âne, bonasse et pacifique. Les soldats qui le mènent au calvaire, en soufflant de la trompe et battant du tambour, sont précédés d'un officier chevauchant la figure en l'air avec une arrogance sublime. Au pied de la croix, la Madeleine, en pleurs, répand sa belle chevelure tressée. Mettez à tous ces personnages les costumes des tableaux des Teniers, les petits chapeaux ronds retroussés, les bons pourpoints serrant de grosses bedaines, de grandes manches, des hautes chausses, de larges visages, des yeux ouverts, et vous aurez un ensemble d'une fantaisie solide, quelque chose de très naïf, de très élevé et d'une poésie toute Moyen-Âge, quoique le monument n'ait été construit qu'en 1602 en acquittement d'un vœu fait 4 ans auparavant à propos de je ne sais quelle épidémie qui ravageait la Basse-Bretagne. Tout cela, du reste, fut complètement perdu pour M. Jeunesse. Il ne se doutait même pas de ce que cela voulait dire. En regardant la scène, il prit les plats pour des cartes, les coupes pour des dés, et il dit, fort ébahi, « Il joue !» C'est farce. De Plougastel au bord de la mer, on dévale au milieu des bois par une pente rapide, d'où l'on découvre une partie de la rade, celle du moins qui s'étend depuis Brest jusqu'à la rivière de Landerneau. À vos côtés se dresse une falaise de rochers blancs, rayés horizontalement par des couches de silex à pic, et nus du côté des flots, mais par derrière sur le plateau, couverte de chênes et de hêtres, surchargée de feuillage, et qui, lorsque vous descendez par le vallon, entrouvert dans son flanc, est d'une crâne tournure. Ici l'on s'embarque, on s'évite, ainsi, comme à Landévennec, de décrire le circuit de Lens, les découpures inégales de la rade, s'avançant dans les terres en mille golfes capricieux, dont il faudrait quelquefois toute une journée pour faire le tour. Avant de se mettre en mer, M. Genest eut soif, et nous invita à entrer avec lui dans un cabaret de sa connaissance, où, trouvant qu'on ne le servait pas assez vite, il alla chercher lui-même le vin dans le cellier et tira les verres du buffet. Comme nous redoutions fort qu'il ne payât à boire, car la revanche eût été inévitable, nous nous empressâmes de solder, d'avaler et de décamper au plus vite. M. Genest, au contraire, voulait s'asseoir, s'attabler un peu, se rafraîchir. Il demandait des fraises et s'informait s'il y avait du café. Cependant, le batelier nous attendait, la marée était haute, il fallait partir. Les vagues sautaient sur le pavé de la cale où le bateau bondissait en cognant sa quille, leur écume rejaillissait sur les passagers qui s'embarquaient, une casquette tomba à l'eau et les bottes de M. Genest furent mouillées. La mer roulait, la brise était forte. Cahotée par les flots et tourmentée par un vent de nord-ouest qui nous poussait au fond de la baie, la lourde chaloupe n'avançait guère. Pendant le temps qu'on ramenait les avirons, elle se levait de l'avant et pivotait, arrêtée sur la pointe des vagues. Elles étaient blanches à leur crête, vertes dans leur courbure, bruissantes, nombreuses, et se poussaient l'une sur l'autre avec un désir folâtre. Un brick devant nous, qui prenait des bordées, passait les voiles pleines, bouffies de vent, arrondissant son ventre, et s'en allait doucement, coupant l'eau qui clapotait contre sa carène. À l'horizon, Brest apparaissait comme un point gris. Tout alentour, dans un cirque de 20 lieues bâti de rochers blancs, la mer s'étalait. À mes pieds, par terre, au fond de la chaloupe, était une cage d'oiseaux qui contenait un merle pris le matin et que l'on apportait à la ville. Il criait de peur en entendant le bruit des flots. À côté de la cage, par terre aussi, se cachant le visage de ses mains, une jeune femme était assise dans une attitude désespérée. Elle sanglotait, elle priait Dieu, elle suppliait tout le monde de la sauver, elle jurait de ne jamais retourner à Plougastel. Elle s'écriait qu'elle allait mourir. C'était une petite femme, brune, grasse, sale, mal peignée, mal vêtue, dont les pieds larges, chaussés de bas bleus, s'épataient dans des souliers sans cordon et qui portait un tablier noir usé sur son ventre rebondi par une grossesse avancée. À mesure que l'on s'écartait du rivage, sa terreur croissait et elle se rapprochait de plus en plus de moi pour s'accrocher à quelqu'un, pour saisir quelque chose. Dans le mouvement d'une vague plus forte, elle se jeta à mes pieds et, m'étreignant au flanc, elle enfonça la tête dans mes cuisses sans en vouloir sortir. Ses boucles d'oreilles frottaient mes mains, je sentais ses seins haleter sur mes genoux et tout son corps frissonnant de terreur qui se serrait sur le mien. J'y prenais plaisir. Pourquoi donc? Est-ce parce que nous nous aimons davantage quand nous nous sentons plus forts que les autres? Ou n'était-ce point plutôt parce que la virilité de l'homme se complétant de la faiblesse de la femme s'en rehaussait de vanité, y aiguisait son appétit? Il y avait ainsi, dans ce simple attouchement, tout le rapport d'un sexe à l'autre et comme la communication de leur caractère même. Quoi qu'il en soit, cela ne manquait pas de douceur et j'aurais voulu que la traversée fût plus longue. Et elle avait de la crotte aux yeux. Nous épions le moment du débarquement pour sauter avant tout le monde, afin de planter là M. Genest, dont la société nous était devenue tout à fait intolérable. Au lieu de rester un quart d'heure encore avec lui, nous eussions renoncé à Brest et couché à la Belle Étoile. La mesure était comble, nous en étions ahuris, abrutis. Il fut cependant le premier hors du bateau, et comme il y avait sur le rivage un bouchon, il voulut nous y rendre notre politesse et nous offrit tout de suite son éternelle bouteille de vin. « Merci, il fait trop chaud. Alors, un peu de bière. C'est trop lourd, ça empêche de marcher. Un petit verre. Jamais nous n'en prenons. D'anisette. Mille grâces, nous sommes pressés. Un café, un café. Non, non, non, bien sûr, non. Adieu. » Il s'arrêta, hésitant un moment, puis, avec un geste sublime, « Eh bien, j'en prendrai tout de même. Allez toujours, je vais vous rejoindre. » De quel train nous filâmes ? Ce n'était pas courir, mais voler, plus léger qu'une plume. La peur du jeunesse et la joie d'en être délivré nous traînaient en avant avec la vitesse d'un wagon emporté par une double locomotive. À tout instant, il nous semblait l'entendre derrière nous et nous n'osions point tourner la tête de peur d'apercevoir son chapeau. Brest, cependant, n'arrivait pas. Nous avions beau suer, nous hâter, la route s'allongeait toujours, la côte montait sans fin, on rencontrait quantité de promeneurs, des marins, des soldats, des enfants au bras de leurs bonnes, des bourgeois qui prenaient l'air ou allaient dîner à leur maison de campagne dans une petite voiture de famille. Tout annonçait pourtant les approches d'une ville, mais la ville reculait. Enfin, n'en pouvant plus, nous sommes entrés dans un champ de blé où nous nous sommes laissés tomber par terre, fourbus comme des rosses à bout d'haleine. Un nuage qui creva sur nous nous obligea bientôt à reprendre le sac, et un quart d'heure après, Brest, grâce au ciel, montra ses toits. Le premier homme que nous vîmes en y entrant, ce fut M. Jeunesse. Il nous avait dépassés sans doute pendant que nous faisions halte. Il causait avec un gendarme, mais cette fois, nous ne le craignions plus. Nous étions arrivés à peu près du moins, car avant d'être aux portes de Brest, il faut encore descendre un faubourg, longue rue continuant la grande route et que bordent, de place en place, des boutiques de charcutiers ou de marchands de vin dont les enseignes patriotiques brillent à côté de grands cabarets délabrés qui ont des salons de réunion de 100 couverts avec des guirlandes peintes à tous leurs étages.